À force de voyager et de parcourir le monde, j'allais jusqu'à Confignon, terre de Savoie, à 2 lieues de Genève. Le curé s'appelait Monsieur de Pontvert. Ce nom, fameux dans l'histoire de la République, me frappa beaucoup. J'étais curieux de voir comment étaient faits les descendants des gentilshommes de la Cuillée. J'allai voir Monsieur de Pontvert. Il me reçut bien, me parla de l'hérésie de Genève, de l'autorité de la Sainte Mère et l'Église, et me donna à dîner. Je trouvai peu de choses à répondre à des arguments qui finissaient ainsi, et je jugeai que des curés chez qui l'on dînait si bien valaient tout au moins nos ministres. J'étais certainement plus savant que Monsieur de Pontvert, tout gentilhomme qu'il était, mais j'étais trop bon convive pour être si bon théologien. Et son vin de Frangy, qui me parut excellent, argumentait si victorieusement pour lui que j'aurais rougi de fermer la bouche à un si bon hôte. Je cédai donc, ou du moins, je ne résistai pas en face. À voir les ménagements dont j'usais, on m'aurait cru faux. On se fut trompé. Je n'étais qu'honnête, cela est certain. La flatterie, ou plutôt la condescendance, n'est pas toujours un vice, elle est plus souvent une vertu, surtout dans les jeunes gens. La bonté avec laquelle un homme nous traite nous attache à lui. Ce n'est pas pour l'abuser qu'on lui cède, c'est pour ne pas l'attrister, pour ne pas lui rendre le mal, pour le bien. Quel intérêt avait Monsieur de Pontvert à m'accueillir, à me bien traiter, à vouloir me convaincre? Nul autre que le mien propre. Mon jeune cœur se disait cela. J'étais touché de reconnaissance et de respect pour le bon prêtre. Je sentais ma supériorité. Je ne voulais pas l'en accabler, pour prix de son hospitalité. Il n'y avait point de motif hypocrite à cette conduite. Je ne songeais point à changer de religion. Et, bien loin de me familiariser si vite avec cette idée, je ne l'envisageais qu'avec une horreur qui devait l'écarter de moi pour longtemps. Je voulais seulement ne point fâcher ceux qui me caressaient dans cette vue. Je voulais cultiver leur bienveillance et leur laisser l'espoir du succès en paraissant moins armé que je ne l'étais, en effet. Ma faute, en cela, ressemblait à la coquetterie des honnêtes femmes qui, quelquefois, pour parvenir à leur fin, savent, sans rien permettre, ni rien promettre, faire espérer plus qu'elles ne veulent tenir.